Mais moi, je pense qu'effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, que ailleurs, moi, je pense, enfin, c'est ce que je ressens, je pense qu'il y a une grande différence entre les grands centres urbains et les villes moyennes ou les centres universitaires de recherche plus réduits. C'est vrai que quand on a un doctorat en sciences humaines et sociales dans une petite ville ou dans une ville moyenne, les possibilités d'emploi, je pense, sont encore plus réduites qu'à Paris ou à Bruxelles ou je sais pas. Bon, après, il y a aussi des différences entre pays. En Allemagne, le doctorat est beaucoup plus valorisé qu'en France, etc. Et ce que je voulais dire également, c'est qu'il y a aussi effectivement cette différence d'appréciation de la thèse pour les personnes qui, finalement, vont dire bah, « je suis obligé de manger, de travailler, donc je vais peut-être abandonner la carrière académique et essayer de trouver un emploi dans le privé. Bon, » effectivement, ça sera, je pense, plus facile dans certains pays, en Allemagne, en Suisse peut-être, qu'en France, où le doctorat n'est pas forcément vu comme un avantage sur un CV, hein, parfois on le cache. Je voulais demander à Maud Le Gall si en fait le fait que les libéralités avaient disparu, qui, moi du coup, ces contrats ANR, ces financements de post-doctorat, notamment sur l'INSEAD, je pense que c'est plutôt, entre guillemets, pas mal par rapport à finalement être au chômage ou au RMI, quoi, ou RSA. Mais avez-vous, enfin au chômage non rémunéré, disons, avez-vous eu finalement une compensation en nombre d'allocations de recherche, en financement officiel de cette fin des libéralités, ou est-ce que le nombre de doctorats financés a baissé du coup? Alors, officiellement, enfin, c'est toujours pareil, c'est que les libéralités n'étaient pas toujours déclarées non plus. Donc, enfin, même en tant que doctorant, c'était pas très simple. Je pense qu'on a un tout petit peu gagné en nombre d'allocations ou de possibilités d'allocations. Nous, l'ANR, c'est clair, il n'y a pas le droit de financer de thèse avec les contrats ANR. En biologie, c'est strictement interdit. Les gens qui le font détournent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils font croire qu'ils financent un ingénieur alors qu'ils sont en train de financer un doctorant. Et normalement, il est de la responsabilité des écoles doctorales d'interdire l'inscription en thèse de quelqu'un qui est financé par un financement ANR. En biologie, la règle est extrêmement simple. En biologie, normalement. Les écoles doctorales... Pas toutes les années, en tout cas. Pas toutes les années, d'accord. Oui, il y a 2-3 ans, je crois que c'est plus compliqué que ça, effectivement. Au CNRS, de toute façon, on ne peut pas inscrire quelqu'un qui est en thèse au bout de 6 mois après son inscription. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner une bourse doctorale s'il est inscrit depuis plus de 6 mois. Ce qui fait que moi, j'ai recruté un doctorant comme ingénieur d'études. Non, je pense que de toute façon, enfin, le problème en biologie aussi, c'est qu'on a toujours eu beaucoup trop de docteurs, si on revient sur ce thème-là, par rapport à l'emploi qu'on pouvait avoir pour eux derrière. Ça, c'est évident, pour la simple raison qu'on manque cruellement de petites mains dans les laboratoires de biologie, qu'on a besoin de gens pour faire les manips, qu'on a de moins en moins de personnel technique et de support de la recherche. Et donc, c'est les doctorants et les post-doctorants qui font les manips. Donc, on a besoin de main-d'œuvre, nous. On cherche la main-d'œuvre, hein, ça, c'est clair. Et les doctorants font office de main-d'œuvre, les doctorants et les post-doctorants. Donc, les laboratoires sont un peu contrariés qu'on réduise le nombre de bourses doctorales sous prétexte qu'on n'a pas d'emploi pour les docteurs derrière. Donc, ils ont... mais voilà, c'est aussi, et donc il y a aussi eu la volonté d'intégrer de plus en plus les doctorants et les docteurs en biologie dans le non-académique, d'ouvrir aussi ces portes-là comme solution. Mais donc je pense que la fin des libéralités, ça a probablement un peu réduit le nombre de docteurs en biologie, c'est pas mal. On peut pas demander à continuer de former des gens, enfin, en plus on les forme pas, on les utilise comme main-d'œuvre. Et on ne les forme pas pour en faire des chercheurs, quoi.